9h-10h, Multitube sur Fadjet, animé par Fred. Eh bien, vous l'avez compris, chers amis, c'est la fête, bien sûr, depuis hier, 20h jusqu'à dimanche, midi. Eh bien, c'est les 40 heures de direct pour les 40 ans de notre très chère et belle radio. Les animatrices, animateurs, chroniqueuses, chroniqueurs, eh bien, se succèdent dans les studios de la radio pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cet événement, naturellement, puisque la radio a 40 ans et ça nous fait plaisir ce matin de partager ces temps forts avec vous, Multitube, à l'heure de la fête, bien sûr, pour les 40 ans de la radio. Et c'est vrai que je souhaite à vous qui nous écoutez une journée aussi rayonnante que aussi grand au niveau de votre sourire que l'équipe Multitube a ce matin. Alors c'est la famille Multitube qui est autour de moi ce matin. J'ai choisi les meilleurs, j'ai choisi les indispensables, j'ai choisi certainement celles et ceux qui ont marqué l'aventure Multitube et qui ont marqué aussi l'aventure de Fadjet. Alors plein de belles choses dans cette émission d'exception puisque nous allons balayer le temps ensemble. 40 ans Fadjet, bien sûr, les 5 lettres du bonheur, c'est 40 ans de tube et nous avons choisi une chanson par décennie. Nous allons découvrir, redécouvrir le son de 1985, le son de 1995, le son de 2005, de 2015 et enfin le son d'aujourd'hui puisque Fadjet est présente avec vous le jour, la nuit, le matin, l'après-midi, au travail, en famille, seul ou accompagné. Fadjet vous accompagne ce matin, s'il vous plaît. Émission particulière pour ce Multitube. Et vraiment, ce matin, je voudrais saluer celles et ceux qui sont à mes côtés. Je voudrais déjà saluer celle qui m'a manqué, mais elle est là, Emma Wirtz. Emma, bonjour. Bonjour, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ces 40 ans. Joyeux anniversaire à la radio Fadjet. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors lui, je le présente plus, il fait partie de la famille, il a voulu être présent aussi. Il est là, il a dit oui pour les 40 ans de Fadjet, Alexandre Pelt. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour. Ça va bien? Très bien, parfait. Bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent depuis si longtemps. Et oui, depuis très longtemps, depuis 40 ans. Hein? Voilà, donc ça c'est important de le dire. 1985, une année bénite. Exactement. La création de la radio également, c'est mon année de naissance. En tout cas, tu fais partie de la famille Multitube puisque régulièrement, chaque année, tu viens en fin d'année dans les émissions Multitube. Et la porte de Fadjet est ouverte en permanence. Merci d'être là pour fêter l'anniversaire comme il se doit de Fadjet. À tes côtés, il y a celle qui est arrivée la dernière dans l'équipe, dans la famille Multitube. Léa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Ah, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour les 40 ans de Fadjet. Exactement, merci d'être là. Je vous donnerai la parole les uns et les autres naturellement au cours de cette émission. Et puis nous avons celui qui vient régulièrement dans l'émission, Rotary, servir d'abord, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Yannick Frézu, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bah, merci. Et puis il y a Frédéric Port avec nous, animateur, naturellement il est présent, il a dit oui, merci d'être au micro de Fadjet. Bonjour mon cher Fred et bonjour à tous les auditeurs. C'est l'anniversaire de Fadjet, bien sûr. Alors ensemble, oui, nous allons parcourir le temps. Ensemble, nous allons parcourir plusieurs décennies. Et je crois même que Léa a une lettre. Exactement. Alors, on a réfléchi, nous, pour les 40 ans de Fadjet. À l'heure du petit-déj, vous qui nous écoutez à 9h06 en direct ce matin, ce Multitube d'exception, pour embrasser les lettres de Fadjet. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Donc, Multitube a fait les choses différemment ce matin. C'est-à-dire que Léa, chroniqueuse de l'émission, va s'adresser directement à la radio. Aux lettres, à Fadjet. Et moi, de mon côté, dans un instant, je vais aussi m'adresser à Fadjet puisque j'ai une lettre que j'ai écrite moi-même. Et je vais m'adresser à Fadjet pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est dans un instant. Pour l'heure, chers amis, eh bien, on va faire une ouverture d'émission avant de retrouver le son des années 80. Ambiance fête. Forcément, Multitube aime la vie, Multitube aime la fête. Eh bien, je vous emmène direction Rio avec un son là aussi d'exception pour commencer votre samedi. Et ce n'est pas fini, d'autres vont venir souhaiter un bon anniversaire à votre radio à Fadjet, puisque je crois que le sport embrasse Multitube ce matin. Nous avons un champion qui sera au micro dans un instant. Merci d'être là, Multitube en direct pour les 40 ans de la radio. On est au cœur des 40 heures de direct. Merci d'être là, bon réveil, bonne matinée, on vous embrasse bien fort. Fadjet, une belle histoire d'amour. C'est important de commencer votre samedi, votre début de week-end pour ce marathon de la radio 40 heures de direct avec ce son du soleil et de fête, puisqu'on est au cœur de la fête ici à Fadjet, grâce à vous, puisque vous nous êtes fidèles depuis tant d'années, 9h09. Je tiens à préciser que tout à l'heure, à partir de 10h, vous pourrez venir vous-même eh bien, dans les studios de la radio, venir nous rencontrer, un moment d'échange avec vous qui nous suivez depuis tant d'années. Alors, chers amis, ce samedi, vraiment un samedi d'exception, et j'ai présenté celles et ceux qui étaient à mes côtés ce matin, mais un n'a pas pu être à mes côtés, c'est Stani, mais il est avec nous par la pensée, il est avec nous en duplex. Stani, bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Comment va Monsieur Stani Maurice? Bonjour Stani. Alors, oui, bonjour tout le monde. Alors je vais commencer par remercier et embrasser ceux que j'imagine être à tes côtés. Et tu as bien de la chance. Oui. Hein? Exactement. Surtout Emma. Hein. Emma, elle est venue en sachant que tu n'étais pas là. Bisous Stani. Ah oui, oui, bah sinon elle serait restée chez elle. Ouais, ouais. Et je t'embrasse fort Emma. Et... Moi aussi. Bon, je vous donnerai. Bah, vous avez déjà vos numéros, hein. Vous pourrez parler hors antenne. Bon. Léa, je pense. Oui, Léa est présente. Il y a Alex, il y a Yannick et il y a Fred avec nous. C'est même pas la fine équipe, c'est la belle équipe. C'est la belle équipe, merci, oui, tout à fait. Il manque plus que toi, en fait. Ouais, bah, vous allez me manquer. Alors, je t'ai envoyé 2-3 petites photos ce matin au réveil. J'ai eu la chance, je suis au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Oui. Et depuis la villa où je suis chez des amis, eh ben en fait je ne vois rien parce qu'il fait une tempête de neige d'enfer et c'est superbe. Voilà. Alors effectivement, je regarde les photos en même temps que je te parle, mon cher Stani. Effectivement, le paysage est plutôt sympa. C'est un tapis blanc devant toi, mon ami. Tout à fait. Et là, ben, en vous attendant, je me faisais servir le petit déjeuner. C'est vraiment un beau week-end qui s'annonce. Malheureusement, un peu loin de vous. Alors, Stani, je voudrais juste que tu puisses, puisque je tenais à ce que tu sois présent pour ces 40 ans de la radio, je souhaiterais que tu donnes un petit mot d'anniversaire à Fadjet, puisque tu connais bien Fadjet, tu es le chroniqueur incontournable de Multitube. Donc, un petit mot pour ces 40 ans de la radio. Alors, c'est plutôt une mini anecdote pour moi. Je t'ai dit une des dernières fois où on s'est vu, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, que bon, tu sais que je viens régulièrement des Vosges, donc je n'ai pas la chance d'avoir Fadjet dans la voiture en partant, mais au tiers de la route, je mets Fadjet, et en fait, mais en plus, c'est pas du mensonge, hein. quand j'arrive à Nancy, je dis mais j'ai pas vu les kilomètres passer en fait. Parce et que oui. Fadjet, c'est exceptionnel à entendre. Bah Fadjet, c'est plus qu'une radio, comme on le dit depuis 40 ans ici. Voilà, et c'est pas seulement quand on a nos émissions à nous, parce que c'est vrai que les émissions, quand on les fait tous les deux ou avec Léa, ça passe à une vitesse où on n'a quasiment pas le temps de parler, ni pas le temps de dire ce qu'on a à dire, tellement une heure à Fadjet, c'est 10 minutes, quoi. On est d'accord. Mais on est bien, voilà. On est bien, Fadjet. Si tu avais un mot à donner pour définir la radio Fadjet, tu dirais quoi en un mot ? Le bonheur. Merci, mon cher Stani. Alors, le bonheur entre les deux oreilles. Non, mais vraiment, et en plus, c'est tellement vrai. Stani, je tenais à te remercier d'avoir accordé quelques minutes pour cet échange ce matin. Il y a tellement de choses à dire, mais comme tu seras là la semaine prochaine, on pourra détailler ces temps forts, ces bonheurs que nous partageons ici à Fadjet. Merci, mon ami. Tu vas skier aujourd'hui ou pas ? Ah non, non, je vais sûrement manger de la raclette ou je ne sais quoi. Non, non, je ne skie pas, moi. Enfin, il n'y en a pas assez pour skier, mais c'est tellement beau. Alors, je crois que Emma a un petit mot à te dire. Ça sera le mot de la fin. Juste bisous, peut-être. Bisous, Stani. Bisous à Stéphanie. Et profitez bien de votre séjour en Rhône-Alpes. Ça marche. Tu as une voix d'enfer. Ça va bien avec une tempête de neige. C'est vrai. Il ne fallait pas plus. Mais c'est pour ça qu'elle est dans Multitube. Merci. Mais oui. C'est ma casse-noisette à moi. Exactement. Merci, mon cher Stani. Merci pour ton intervention. Merci pour ces mots chaleureux pour ces 40 ans de la radio. Merci d'avoir pensé à moi. Je vous embrasse fort tous. Et puis, la semaine prochaine. Et puis, bon week-end à tous, nos chers auditeurs. Merci, Stani. C'était très sympa. On t'embrasse, bien sûr. Je vous en prie, monsieur Roger. Merci, monsieur Maurice. Au plaisir. À très vite. Au Merci. Au revoir. Alors c'était Stani avec nous, bien sûr, Stani qu'on retrouvera la semaine prochaine dans Multitube. 94 stéréo sur Fadjet, c'est la vie en moins, c'est la vie en plus. 94.2, tout va mieux sur Fadjet, hey, la vie en moins, la vie en plus, je suis bien là. Et oui, un sacré jingle quand même, c'était le jingle d'époque. Chers amis, oui, je l'ai dit en ouverture de cette émission, je vais ouvrir le bal à 9h15 pratiquement, je vais m'adresser directement à la radio. Oui, nous avons fait une lettre, quand je dis nous, il y a Léa qui interviendra tout à l'heure. Et moi, je vais commencer avec cette lettre. Sortez-moi le pianiste, s'il vous plaît, puisque nous avons les moyens ici. Nous avons un pianiste. Alors, naturellement, les invités vont également y aller de leur propre signature ce matin dans Multitube pour souhaiter un bon anniversaire à cette radio. Vous qui nous écoutez depuis tant d'années, on vous remercie de cette grande fidélité. Alors, je m'adresse à la radio, à Fadjet, ma très chère radio. Tu as vu le jour à une époque où les réseaux sociaux, Internet, la TNT n'existaient pas. Tu es arrivé dans le paysage radio au moment même où François Mitterrand était président de la République. Cette année-là, TF1 cartonnait avec La Une est à vous. Les enfants regardaient Le Village dans les nuages. Et en radio, tournait en boucle sur la bande FM la chanson de Ivan avec Fotonovela. Tu as fait de la route depuis. Ma très chère radio, le 7 février 1985. À l'origine de ce beau projet, on trouve Guy Lescane, un prêtre. À l'époque, des jeunes des lycées professionnels et techniques de Nancy se réunissaient dans le cadre des aumôneries de ces lycées. En 1985, tu t'es structuré autour de l'association APAVAT, Association pour la promotion de l'audiovisuel et des aumôneries techniques. Tu es cette année-là une radio d'inspiration chrétienne tout en proposant des émissions variées. Aujourd'hui, tu es un lieu pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Tu sais mettre à disposition un lien d'échange où des salariés, des bénévoles donnent le meilleur d'eux-mêmes pour continuer à te faire briller sur la FM 94.2, mais pas que. Il y a 40 ans, à ta naissance, seulement Nancy et les environs connaissaient ton existence et tu savais jouer la carte de la proximité en mettant en valeur des jeunes artistes locaux, en mettant en avant les événements de la ville. et en mettant en avant le tissu associatif de proximité. Depuis, tu as grandi avec nous tous, cette radio de proximité que tu es encore, tu as su grandir avec les nouveaux supports. Tu brilles désormais sur le territoire français, en Europe, partout on t'écoute via fadjet.net. Aujourd'hui encore, tu favorises le lien social en organisant des rencontres festives ou culturelles. Alors ma très chère radio, je n'oublie pas non plus 2014. Oui, 2014, cette année-là, eh bien, tu t'es fait un lifting avec un nouveau logo, logo qui est toujours d'actualité. Depuis 40 ans, tu fais partie de notre quotidien. Ton nom résonne avec 5 lettres. Les 5 lettres, c'est F-A-J-E-T. Eh bien, moi, je vais prendre ce matin 5 autres lettres de l'alphabet. Je vais prendre le M, le E, le R, le C et le I. Et ça fait un grand merci. Tu brilles de mille feux depuis 40 ans. Alors bien sûr, nous ne sommes peut-être pas toujours les meilleurs. Mais sache que chaque salarié, chaque bénévole donne le meilleur de lui-même pour te faire briller partout. Tes 5 lettres, Fadjet, comptent énormément pour nous. De Nancy à Strasbourg, de Paris à Strasbourg et de Lyon à Lille, Fadjet rayonne, a rayonné et continuera à briller. Enfin, sur la FM 94.2, tu brilles. Tu continueras à briller et tu m'as accueilli sur cette radio en 1997. Merci à toi, merci à Marie-Claude Vivier qui à l'époque gérait cette radio. Merci à Ghislain qui m'a fait confiance. Merci à toi d'accueillir sur ton antenne Multitube depuis maintenant 22 ans. À la maison, au travail, en voiture, seul ou accompagné. Tu nous accompagnes chaque jour, chaque nuit, chaque minute, chaque heure, chaque saison. Tu es là avec nous dans nos moments de joie, de peine. Tu es là en nous proposant le meilleur de toi-même. Pour finir, je suis fier de venir à ton micro chaque semaine. Fadjet, tu es, tu resteras une radio de cœur. Merci d'avoir été là, merci d'être là. Continuons à faire la route ensemble. Fadjet, c'est une passion, un lieu, un bonheur et un cœur. C'était pour toi, Fadjet. Fadjet qui, franchement... Bravo, oui, Fred. C'est pas mal. Super, c'est super beau. Ah, c'est pas mal. Avec ce pianiste, c'est pas mal. Eh bien justement, on va garder ce pianiste avec nous avant de retrouver le son de 1985. Un petit mot et je donne la parole à Emma. Emma, si tu avais un mot à dire à Fadjet, à notre belle radio pour ses 40 ans. Eh bien, je la remercie de m'avoir accompagnée tout au long de mon parcours de Miss, parce que Fadjet a été une des premières radios à m'avoir invitée en tant que Miss Meurthe et Moselle, où j'ai décroché cette écharpe. Et ensuite, je suis venue de manière quand même régulière aux côtés de Fred pour animer les émissions. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Un vrai bonheur. À réitérer d'ailleurs. Et oui. Et oui. Parce que la dernière fois que je suis venue, ça, c'était en 2022, si je me souviens bien. Donc ça fait un petit moment. Et j'aimerais bien revenir à tes côtés pour animer ces émissions. Mais reviens quand tu veux. Tu sais que c'est ton émission. D'ailleurs, je voulais appeler l'émission Emma à la base. Mais on a gardé Multitube. Reviens quand tu veux, ma chère Emma. On revient dans un instant, juste après ça, bien sûr. Le son de 1985 arrive. 1985. Fadjet. Depuis 40 ans, diffuse tous les hits que vous aimez. Vous êtes au cœur, chers amis, de ce direct, 40 heures de direct avec différents animateurs, différentes émissions, bien sûr, et jusqu'à 10 heures, eh bien c'est Multitube. Chers amis, en 1985, alors que Fadjet venait à peine d'arriver, 1985, la FM s'enflammait, les pistes dancefloor également, dans les voitures ça chantait, à la maison dans les soirées ça bougeait, bref, ce son, vous vous en souvenez, 1985, année de l'arrivée de Fadjet sur la FM, c'était ça. Sure. Quelle ambiance ce matin, mais quelle ambiance ici, mais que se passe-t-il? Mais oui, c'est les 40 heures de direct pour les 40 ans de la radio. Oui, alors, ensemble ce matin, bien sûr, on est fait pour s'entendre comme chaque week-end, mais je voudrais donner la parole à mes invités, parce que Fadjet, c'est une radio, c'est bien plus qu'une radio, Fadjet, c'est une histoire. 94.2 Et je vais donner la parole, donc je donne la parole à Yannick. Yannick Frézu qui est un habitué de l'émission, il vient régulièrement, alors il connaît la maison, il connaît la radio, pourquoi? Parce que tout simplement il a animé, fut un temps, une émission sur Fadjet, bon elle ne marchait pas, les audiences n'étaient pas au rendez-vous, il était viré, mais... Non, je plaisante bien sûr. Non mais c'est vrai, cela dit, tu as été animateur sur Fadjet. Ouais, j'ai été animateur d'une émission qui s'appelait Et si on parlait de vous. Oui. Donc autour d'un invité, on parlait de lui pendant une petite heure et merci à la radio Fadjet de m'avoir permis de découvrir cette facette que je connaissais pas et puis ce monde de radio qui est passionnant et que tu images au mieux. Ce qu'il y a de fort avec Fadjet, bien sûr, ça donne la possibilité à celles et ceux qui veulent découvrir l'univers justement de la radio de venir. Et ça a été ton cas puisque ça t'a permis de faire une émission. Alors, blague mise à part, c'était une émission qui était tellement bien préparée qu'on croyait sur une radio parisienne, quoi. Donc vraiment, il y avait du talent. Il faut revenir sur la radio. En un mot, si tu devais définir Fadjet pour ses 40 ans, tu devais définir Fadjet en un mot, tu dirais quoi? Alors c'est marrant parce que à chaque fois que je dois définir Fadjet auprès de mes amis de la vie de tous les jours, je pense à ta phrase quand tu dis les 5 lettres du bonheur Fadjet. Oui. Je trouve que c'est ça en fait. C'est ça. Moi je rajouterais la bienveillance aussi, mais. Oui. Mais ouais, Fadjet, c'est une belle maison, une belle radio, et pourvu que ça dure. Mais ça va durer. Je crois qu'on a signé encore pour 100 ans. Hein. Ah bah c'est bien. Oui, c'est comme ça. Merci en tout cas, merci d'être là, parce que c'est vrai que le Rotary t'en parle régulièrement ici. Hein, tu étais animateur, mais quand tu viens, c'est en invité. Et c'est vrai que c'est pour le Rotary, servir d'abord. Merci de nous suivre. Le moment d'antenne que vous nous accordez est toujours sympa déjà, et il y a toujours des retours extrêmement positif, donc merci à vous. Mais c'est ça Fadjet, cette force-là incroyable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je voudrais donner aussi la parole à Frédéric, qui lui, animateur professionnel, vient de temps à autre dans Multitube. À chaque fois, ses interventions sont toujours des interventions qu'on adore ici dans Multitube, et c'est d'ailleurs parce que c'est un professionnel qu'il a sa place dans Multitube. C'était la condition. Ah, tout à C'était fait, la condition. Frère. En un mot, Fadjet, Fadjet qui fête ses 40 ans, en un mot, tu dirais quoi? Alors, pour revenir un petit peu sur mon histoire Fadjet, j'écoute depuis longtemps Fadjet. Puis à un moment donné, Fred, on s'est rencontré quand tu faisais un spectacle de claquettes, il me semble. Oui. Hein, tu te souviens? C'est ça, je me souviens très bien. Oui, non, nu. Oui. Nu. J'avais que les claquettes, je veux dire. Mais ça choquait personne. Hein. Le gyrophare sur la tête était sympa. C'était très bien. Et là, tu m'as proposé de venir avec toi dans cette émission Multitube. Et c'est pour moi un vrai bonheur d'être avec vous de temps en temps sur Fadjet. Et si j'avais. Voilà, Fadjet, c'est bienveillance, amitié et puis surtout copain. Exactement. C'est vrai que quand on dit que Fadjet c'est plus qu'une radio, il suffit simplement de pousser la porte. C'est vrai que au 47 rue Charles III, il y a ce qu'on appelle une bienveillance de l'écoute et puis aussi l'accueil. C'est très important. Fadjet sait bien faire ça. Et d'ailleurs, je salue, puisque je suis bénévole dans cette radio, je salue les salariés qui font que cette maison est vraiment, vraiment, il fait bon y vivre, quoi. Et je salue la direction. C'est bien aux 40 ans de saluer la direction. C'est bien pour le renouvellement. C'est sympa. Je salue la direction. Et le président qui était malade, mais il va mieux. J'ai eu de ses nouvelles ce matin. Bien, merci. On se retrouve dans un instant, chers amis. 1985, vous avez entendu le son. Eh bien, figurez-vous, on va partir en 1995. Fadjet avait 10 ans en 1995. Et la bande FM, tu avais quel âge en 1995? Je n'étais pas née. Eh ben voilà. Léa, tu avais quel âge? J'étais pas née non plus. Eh ben voilà. Bah moi non plus. Alors, j'ai dû retrouver un titre que je n'ai jamais écouté puisque je n'étais pas là en 95, forcément. La bande FM écoutait quoi en 1995? Eh bien, figurez-vous que E-Type était numéro 1 sur les pistes dance floor cette année-là. Fadjet fêtait ses 10 ans. Et en 1995, la jeunesse écoutait quoi ? Écoutait ceci. Excellent titre de 1995, 9h31, merci d'écouter la radio en direct. Vous êtes au cœur des 40 heures de direct pour les 40 ans de la radio Fadjet, plus qu'une radio. Et je vais laisser la parole à Léa. Oui, parce que la petite Léa, du haut de ses 88 cm, eh bien oui, elle a fait une petite lettre. Et oui, avec un petit stylo, avec ses petites mamans. Eh bien voici donc notre chère... On dirait que je connais. Je donne la parole à Léa. Juste avant, voici un petit jingle. C'est le petit neige qu'il vente. Plus besoin que je t'invente. Un DH à l'endroit. Fadjet 94.2. C'est toi ma radio. Eh oui, Fadjet, c'est toi la radio. Alors, ma chère Léa, on t'écoute, puisque tu as un mot aussi à dire ce matin à notre radio, oui. À Fadjet. Alors, attends, je fais rentrer le pianiste, on l'a perdu, celui-là, il est où ? Ah, il est là. Ah, ça y est. Il est là, il est là, il est là. Alors, ma chère Léa, alors, donc, qu'est-ce que tu peux dire sur à notre ami Fadjet ? Alors, je vais lire ma petite lettre. Donc, aujourd'hui est un jour important, et c'est en cette occasion, ou plutôt cet anniversaire, que nous sommes tous réunis ici à Fadjet. Cela fait déjà 40 ans, 40 ans que Fadjet existe. Il faut dire que depuis 1985, cette radio a vu défiler des actualités, plus que moi d'ailleurs. Chaque jour, chaque heure, des chroniqueurs, employés ou bénévoles, donnent de leur temps pour faire vivre cette radio locale qui est dans le cœur de chaque Nancéen et Nancéenne, et bien plus encore. Actualité, bons plans, invités, Fadjet est une radio au grand cœur qui pense à vous. Fadjet vous accompagne sur la route du quotidien, que vous soyez étudiant ou employé. J'admire cette radio qui s'est donné de la visibilité à toutes ces associations qui ont besoin de partager leurs convictions, leurs histoires, qui sait également mettre en avant les talents encore inconnus du grand public et qui sait mettre en avant encore tellement de personnes. Je me souviens encore de ma première rencontre autour d'un café avec Frédéric grâce à Stanny qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui. C'était là que tout a commencé, puis ils ont su m'accueillir et me faire une place au sein de la radio Fadjet. Chaque chronique passée avec eux est un pur moment de bonheur et continuera de l'être, je l'espère. Voilà, donc encore une fois, bon anniversaire. Bravo Léa, c'est des mots sortis du cœur, vraiment super, bravo. Bravo, vous qui venez d'allumer la radio, sachez qu'il est 9h34, vous êtes au cœur des 40 heures de direct pour les 40 ans de cette magnifique radio nancéenne. Je rappelle que dans moins d'une demi-heure, les portes de la radio vont s'ouvrir jusqu'à 20h. Vous pourrez ainsi venir rencontrer les animatrices, animateurs, chroniqueuses, chroniqueurs, salariés, direction. Bref, puisque Fadjet fête l'événement à vos côtés plus que jamais. Alors un petit mot. Je vais donner la parole, il est où, Alex ? Oui. Voilà. Je vais te donner le micro deux secondes. Alors, je disais qu'en fin d'année, tu viens souvent dans l'émission. Exact, je viens pour les fêtes de fin d'année. Voilà. C'est féerique et c'est toujours un réel plaisir. Et c'est vrai que maintenant, on s'accorde bien. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas faire multitube au moment des fêtes de Noël sans ta présence. Exact. C'est important. Alors, les enfants nous écoutent ce matin, on va pas tout dire, mais on va dire que tu es un très très bon copain, un très proche exact. Du Père Noël et du Saint-Nicolas. Tout à fait. Voilà. Oui, je me disais bien, c'était pas toi le Père Noël et Saint-Nicolas. Il y a très longtemps, Lucien. Voilà. Une des premières fois, c'était t'étais avec à nos côtés, Emma, dans ce studio. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça, c'est important, vous qui nous écoutez ce matin, ces visages qu'on mettra sur les réseaux que vous avez déjà vus, naturellement, et votre présence ce matin à vous tous, toutes que vous en face de moi, c'est important parce que vous faites vraiment partie de l'aventure. Moi, je dirais faire de la radio avec toi, c'est un super exercice. Oui. Parce que il faut être très percutant, il faut enchaîner, on improvise et donc c'est un super exercice. Ça fait plaisir, ouais, ça. C'est vrai. Bon, c'est pas mon anniversaire, c'est bientôt. Il faut être au niveau avec toi. Ouais. Il faut être au niveau. C'est gentil. Voilà. Merci, merci mon ami, merci Alex. Alors, naturellement, on continue notre boulevard musical des plus belles chansons des différentes décennies que Fadjet a traversé. On a vu, on a entendu 1985, on a eu 1985. 1995 et maintenant on va rentrer dans les années 2000 en 2005. On arrive juste après ça. En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Et oui, Fadjet qui fête ses 40 ans et ce matin, Multitube avec son boulevard musical à 9h36. Alors, 1985, on a compris, on a entendu, 1995 aussi. En 2005, et oui, Fadjet... En 2005, vous proposez notamment la chanson que vous allez entendre. 2005, il a marqué l'histoire de la chanson française. Il a marqué aussi l'histoire d'une émission qui s'appelle la Star Academy. De là-haut, certainement, il doit être fier de ce que ses parents font aujourd'hui avec une association. Et c'est vrai que ce jeune élève de la Starac qui a été jusqu'au bout de son rêve avec cette maladie grandissante en lui, il a tenu sa passion jusqu'au bout. Une passion qui n'a jamais été diminué malgré la maladie et des fans qui étaient présents jusqu'au bout avec lui. Eh bien, figurez-vous qu'en 2005, Grégory Lemarchal écrit l'histoire. Lui, il a marqué l'année 2005. Et oui, en 2005, Fadjet, 20 ans d'âge, Fadjet, en 2005, vous proposez ce titre dans la programmation musicale. Grégory Lemarchal écrit l'histoire. 9h37, bonne matinée, bon réveil. Merci d'être avec nous, c'est le week-end. Ensemble, on est fait pour s'entendre. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Dis-moi, tu me préfères à genoux par ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, je change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur la terre. Grégory Lemarchal écrit l'histoire. Vous écoutez la radio, que vous soyez à la maison ou au travail. Merci de nous faire cette amitié de nous suivre. Belle chanson de Grégory Lemarchal écrit l'histoire. J'espère que de votre côté, c'est la forme ici dans les studios, c'est la forme. Alors le sport embrasse aussi Fadjet pour ses 40 ans, c'est juste après ça. 1985. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. 2025. Fadjet. Depuis 40 ans, diffuse tous les hits que vous aimez. Il a dit oui aussi à Multitube pour venir souhaiter un bon anniversaire à Fadjet. Jawad Nesrouche, vice-champion de France, boxe anglaise 2021. Il est présent ce matin pour souhaiter un bon anniversaire. Donc à la radio, salam alaikum. Jawad Nesrouche, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va. Merci d'être là. Alors, tu es venu à la radio il y a quelques semaines, il y a quelques mois, puisque, je le rappelle, je l'ai dit à l'instant, tu es le vice-champion de France boxe anglaise 2021. Oui, pas que, aussi en jiu-jitsu brésilien, champion de France et quatrième en Europe. Championnat du monde, j'ai pas pu y aller par manque de moyens. C'est dommage. Ouais. Les championnat du monde, c'était aux États-Unis, hein, c'est ça ? C'est ça. Et c'est dommage. Ouais. Faut vraiment aller chercher des partenaires. Ah ouais. Hein, donc s'il y a un partenaire éventuel qui écoute la radio ce matin et qui veut aller, on y va. On croit à Jawad Nesrouche, voilà, qu'il se manifeste. Ouais. Merci d'être là parce que effectivement, toi aussi, tu es venu à plusieurs reprises en Multitube sur Fadjet. Si tu as un mot à dire pour l'anniversaire de Fadjet, Et quelle expérience que tu as eue en venant dans les studios de la radio? Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé. Est-ce que tu te vois animateur radio plus tard? Ah, je sais pas du tout. Plutôt dans le sport. Ouais, plutôt dans le sport. En tout cas, c'était important que tu sois là et merci. Jawad Nesrouche, vice-champion de France boxe anglaise 2021. Et pas que. Ouais. On rappelle aussi, j'ai toujours un peu de mal avec ce champion de France de jiu-jitsu brésilien. C'est quoi la différence entre le jiu-jitsu brésilien et la boxe anglaise? En fait, la boxe, c'est plus des frappes à la tête et au ventre. Ouais. Alors que jiu-jitsu brésilien, c'est des amenés au sol, étranglement, clés. Et d'accord. Pas le droit aux frappes. D'accord, oui. C'est ce que j'apprends tous les jours à ton père, au passage. Bien, merci. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour l'anniversaire de la radio. 9h42, chers amis. On continue ensemble notre route. Et là, si je pouvais définir... je vais définir ce samedi avec avec un mot que je cherche en direct ce matin. Certainement, le mot passion me revient plusieurs fois dans la tête. Juste après ce jingle, vous allez comprendre, car nous allons maintenant entrer dans l'année 2015, oui, il y a 10 ans. 2015, on écoutait quoi à la radio? Vous allez le savoir. Fadjet avait 30 ans. Et figurez-vous que en 2015, Fadjet diffusait la chanson que vous allez retrouver dans un instant. Et pour moi, c'est un vrai pur bonheur. Fadjet, partout avec vous. Retrouvez-nous sur 94.2 FM, en DAB+, et sur radiofadjet.net. Alors ce matin, j'ai tout dans l'émission pour tout vous dire, puisque j'ai la chance d'avoir Frédéric qui est avec nous, j'ai la chance d'avoir Yannick, qui d'ailleurs doit faire une dédicace ce matin, me dit-on, dans mon oreillette. Exact. À qui fais la dédicace? Je profite de l'émission pour faire une petite dédicace à nos amis communs, à Fabrice et Sonia. Oui. Qui doivent certainement nous écouter, et comme tu as vraiment fait le bon choix de ne pas les inviter. Oui. Parce qu'on sait tous les deux qu'ils sont pas très bons. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils n'ont aucun talent. Aucun. Voilà, aucun. Absolument. Voilà, aucun. Mais on les embrasse, hein, on les adore. Hein, T'as revu Sonia? Alors non, depuis que c'est fini, c'est voilà. Voilà, c'est bon. Terminé. Voilà, en tout cas, on les embrasse chaleureusement quand bien même, sûr. Nos amis en commun qui écoutent la radio avec plaisir et ils peuvent venir à partir de 10h de toute façon. Comme je le disais précédemment, la radio vous est ouverte tout au long de la journée jusqu'à 20h. Oui, Alex? Fred, j'ai un super souvenir qui me vient. Oui. Un des meilleurs moments que j'ai vécu ici avec toi, c'est quand t'as fait une interview d'Habit au cœur en direct d'Australie. C'était un super moment. Alors, à propos de ça, je voudrais saluer Benoît, exact, qui n'a pas pu être avec nous puisque c'était le chroniqueur, oui, de Multitube, et il avait la place de Stani aujourd'hui. Et c'est vrai que Benoît, c'était par l'intermédiaire de Benoît que j'avais eu cette interview, exactement. Tu parlais en français, c'est la traduction. Il nous écoute ce matin et on l'embrasse chaleureusement, naturellement, de là où il est. Et je crois savoir qu'il est en montagne. Je crois qu'il a des skis et je crois qu'il y a de la neige. Ça tombe bien, il fait du ski. 9h45. Merci d'être là. Je disais oui, j'ai la chance unique ce matin puisque j'ai Emma. Et quand on a Emma en face de soi, je vais vous dire un truc, ça vous change votre samedi. Bah, depuis tout à l'heure, moi j'ai du mal. Hein. Mais oui, mais forcément c'est du talent. Ouais. Quand la beauté rencontre le talent, ça donne Multitube. Et avec signature et Emma. Si je pouvais mettre également un mot sur Fadjet, c'est, oui, la famille. Exactement. Fadjet, c'est une famille, ça il faut bien le rappeler. Alors chers amis, oui, il y a Emma, mais il y a aussi, alors il y a les invités bien sûr, mais en 2015, on écoutait quoi? Fadjet avait 30 ans, cette année-là, en 2015, Fadjet vous proposait avec ses salariés, ses bénévoles, des tas d'émissions, une centaine de bénévoles en 2015, comme aujourd'hui. Et en 2015, il y avait un son qu'on ne pouvait pas échapper sur la bande FM, et notamment si vous écoutiez Fadjet, en 2015, Fadjet avait 30 ans, les 5 lettres du bonheur, il y a 10 ans. Chaim, bien sûr. C'était obligé, Fred, c'était obligé. Fred sans Chaim. Mais c'est voilà. Écoutez, Chaim, écoutez, je vous laisse avec Chaim, tout va bien. 9h46. Je sais que je te rends la vie parfois difficile. Et je sais que c'est dur d'être toi. Mais je sais qu'avant c'était pas comme ça. Par-dessus la tête, et je sais que je pourrais des fois t'épargner peut-être. Et je sais que tu m'aimes comme ça. Mais je sais que je te mets en paix. Hey, hey, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, crie un peu, mais dis-moi. Mais qu'est-ce que t'as à vouloir tuer les yeux? Serais-tu en train de perdre notre crie de tout ton corps? Je sais, je te rends fou, mais ça te va plutôt bien. Personne n'atteint ce cœur de pierre, ces bras de fer qui me soulèvent d'une main. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, baby? Magnifique chanson de Chaim, 2015, bien évidemment, voilà, et eh oui. Avec Chaim. Ah, Chaim, alors moi dans ma vie, j'ai trois passions, la radio, Emma et Chaim. Waouh. Pardon. Et ouais, j'allais dire le même âge, elle est née en 85 comme moi, Chaim, la radio et moi. Alors, voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Elle alors... est de novembre 85. Oui. Mois d'août, ouais. Et Fadjet, donc début oui, d'année 85. Même sa date de naissance. Ouais. Mais d'ailleurs, je tiens à saluer juste, excusez-moi, je tiens juste à saluer Yannick qui est quand même avec nous. Pourquoi? Parce que le mec, il bat l'âge de la radio. Ici, dans les studios. Quelle horreur. Là, c'est pas sympa. Hein. Alors, Fred à 40. Mois, on a quelques mois d'écart, Fred. Oui. Ah, mais non, mais moi, j'ai pas donné mon âge. Personne sait mon âge. D'ailleurs, on me pose encore la question. D'ailleurs. T'es intemporel, Fred. Je ne vieillis pas. Pas une ride. Pas une ride. C'est ça, je ne vieillis pas. Oui. Ce que je peux dire, oui, c'est que Fadjet a été créé en 85 et c'est l'année où on s'est rencontrés tous les deux. Waouh. Ah bon? Super. Bim. En 85, j'avais 9 ans. Non, bah oui, mais bon. On s'est rencontrés où? Au lycée? Bah oui. Ah bon, on se connaît depuis 85. C'est Fred. Pas vrai. Bravo. Ah d'accord, ok. Ah, excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson. C'est un truc de fou, quoi. En 85. Eh oui. Ah d'accord. Bah je sais pas. Alors on s'est rencontrés où? À Neuf Maisons. À Neuf Maisons, d'accord, effectivement. Ouais. On salue les néodomiennes, néodomiens qui nous écoutent ce matin d'ailleurs. 9h49, chers amis. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur 2025. Ah, chers amis, parce que vous savez, Multitube, depuis ce matin 9h, on vous balade de décennie en décennie avec du son de 85, 2005, 2015 et pourquoi pas 2025. Mais pourquoi pas? Je voudrais donner la parole à une demoiselle qui fête ses 72 ans aujourd'hui. Non. Fred, t'es quand même... Pardon. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous. Mais présentez-vous madame. Eh bien moi je m'appelle Maud et je suis très contente de vous retrouver ce matin. J'ai pas tout à fait l'âge de Fadjet, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure Fred, souviens-toi. On s'est rencontrés tous les deux il y a 20 ans, à Neuf Maisons, hein, puisqu'on a salué les habitants de Neuneu, entre oui, nous. Et ça. Tu m'as invité à ton émission Multitube et je rejoins tous mes collègues parce que ouais, Fadjet c'est une belle famille et on s'y sent bien. Merci Fred. Eh bien, merci à toi, merci. Et je crois qu'on va te retrouver à 10h. Hein, quand même, c'est quand même dingue ça. Et tu vas nous proposer quoi à 10h dans les 40 heures de direct là? 10h, 11h, on retrouve Maud. Elle va nous faire quoi, Maud? Bah, Maud, elle va participer au Shabbat d'Alex. Et puis, venez à 10h, je spoil pas tout. Restez avec nous, mais nos amis sont avec nous depuis 20h hier. C'est ça qui est fort. Je regarde un peu la courbe des audiences sur le net. Là, on est en train de défoncer toutes les autres radios tellement qu'on fait du... Mais un carton, les amis, mais c'est même pas la peine parce que, effectivement, l'événement à Nancy, en France métropolitaine, c'est les 40 ans de la radio. Alors, 2025, chers amis, qui écoute quoi aujourd'hui? Emma, tu écoutes quoi comme chanson aujourd'hui? En ce moment, alors c'est drôle, mais j'écoute des musiques des années 90. Ah! Eh oui! Bravo. J'adore tout ce qui est années 90. Ah bah c'est ce moment, une, ça doit être une belle playlist. Le son des années 90, c'est la meilleure. Alex, tu écoutes quoi? Alors moi je suis pas très moderne, plutôt Whitney Houston. D'accord, ok. Mais nos amis autour de la table de Multitube pour Fadjet pour ses 40 ans. Léa, tu écoutes quoi comme chanson? J'écoute du Jean-Jacques Goldman en ce moment. D'accord, il y a rien de kitsch autour de la table, c'est bien, on est bien, on est fun. Yannick, tu écoutes quoi? Moi, j'écoute évidemment Florent Pagny. Florent Pagny, éternel Florent Pagny, bien sûr. Il est revenu dans The Voice. J'étais là au sixième rang du concert. Tout à fait. Ah, très magnifique. Bien. Sixième rang du concert. Ah oui, juste devant la scène. Et pourquoi t'es pas au premier? Ah oui, bah, t'avais pas le bras assez long. Il y avait pas le bras assez long. D'accord. Fred, tu écoutes quoi comme chanson? Bah écoute, vu mon jeune âge, j'essaye de me replonger dans les années 80. Ah bien, mais c'est, la France est nostalgique actuellement, il faut le savoir, que ce soit sur le son des chansons, que ce soit sur les émissions radio, télé, la nostalgie prend le dessus. Eh bien moi, figurez-vous, en 2025 j'écoute quoi moi? Chaim, bien évidemment. Ah ouais, non mais oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, chers amis, la chanson qui est numéro 1 actuellement, et je ne pouvais pas finir cette émission de fête pour ces 40 ans de la radio, Fadjet a 40 ans, mais en 2025, aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 9h53, on va vous proposer la chanson qui est numéro 1 sur les meilleures ventes, sur les différentes plateformes, ça cartonne pour lui. Avec ou sans lunettes, avec le maître ou sans le maître, c'est Gims, l'éternel Gims aussi, et Ciel. C'est la chanson numéro 1, aussi sur les pistes dance floor, également de votre cœur, j'en suis sûr. En tout cas, Gims, c'est pour vous. 2025, Fadjet a 40 ans, et Fadjet vous propose quoi dans sa playlist? Notamment du Gims avec Ciel. Bonne matinée, bon réveil, 9h53 en direct, c'est Multitube jusqu'à minuit. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui, tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. faux. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te faire. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Ah, belle chanson, Gims. Je crois qu'il a fallu attendre les 40 ans de la radio pour diffuser une chanson de 2025 avec Gims. C'est pas ma tasse de thé, cette chanson-là, quand elle se termine, on se dit comme les autres, c'est bien, elle a une fin. Elle a un début, elle a une fin. Chers amis, 9h56, c'était une émission remarquable. Et si j'ai juste un mot à dire. Et j'aime bien les mots en 5 lettres, hein. J'ai dit merci tout à l'heure à la radio. Et je vais reprendre un B, un R, un A, un V, un O. Bravo. Comme quoi, les lettres, les mots en 5 mots, ça va très bien. Très bien. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Donc, on fait 2035. Dans 10 ans. On peut faire 2035. Les 50 ans de la radio. Chers amis. La même équipe. On se retrouve dans 10 ans. Exactement. Faut juste savoir que, attention, à 10 heures. Contrairement aux autres samedis, c'est la fiesta à l'état pur. Je tiens à vous dire qu'on ne les retient plus. Ils sont là comme des lions en cage, comme des tigres, comme des chats. Ça grimpe après les rideaux, ça tape sur les meubles. Oui, ça défonce le canapé. Le Shabada d'Alex arrive. Ouais, ils sont excités. Non mais c'est les 40 ans de la radio en même temps. On les retient plus. Ça arrive dans un instant à 10h. En tout cas, je voudrais remercier chaleureusement toute l'équipe de Multitude pour les 40 ans de la radio. Merci à Fred. Merci Multitude. Merci et merci d'être venu. Yannick, un grand merci, merci d'être venu. Merci et bon anniversaire à Fadjet. Merci beaucoup, merci à notre chère Léa, merci d'être venu. Merci, c'est super. Alex, merci. Merci, bon week-end sur Fadjet. Et merci ma chère Emma. À bientôt j'espère. Merci. Bon anniversaire Fadjet et tous nos chers auditeurs. Merci beaucoup, belle journée, la fête continue. Les 40 heures de direct de Fadjet, c'est jusqu'à demain. Merci, bis à l'œil, ciao, bon anniversaire Fadjet.